Bon anniversaire, Nénette. Nénette a 50 ans. Nénette habite à Paris, dans le 5e arrondissement. Elle est née en Asie et ne fait rien de ses journées. Voilà, c'est sûr, on est bien sur France Inter, qui ne s'intéresse qu'aux bobos du 5e arrondissement, qui plus est quand ce sont des immigrés improductifs. Attendez, Nénette a 50 ans, mais pas forcément aujourd'hui, ni demain, ni hier. Nénette a à peu près 50 ans, vu qu'elle est née vers 1969 dans une île du sud-est asiatique et que le jour de sa naissance n'a été consigné sur aucun livret de famille et qu'aucun officier d'état civil de Bornéo n'a été mis au courant de l'apparition dans la forêt de cet orang-outan femelle. Nénette a 50 ans, plus ou moins. À 50 ans, grosso modo. À 50 ans ou à peu près. Comme Laurent Delahousse, David Douillet et MC Solar. Comme moi, si je n'avais pas 10 ans de plus. Nénette a 50 ans et réside à la ménagerie du Jardin des Plantes. Nénette a été l'actrice principale du film Nénette de Nicolas Philibert. Vous connaissez une autre actrice qui a donné son nom au titre du film dont elle est la vedette? Non, il n'y a que Nénette. Nénette qui avait une petite quarantaine, c'était en 2010, et faisait du cinéma sans le savoir, comme Monsieur Jourdain Primate. Elle faisait du cinéma sans en avoir même jamais rêvé. Elle faisait du cinéma dans un film qui ne s'est pas spécialement embarrassé d'un pitch, d'un synopsis, d'un scénario, de travelling et de mouvements de caméra trop compliqués. Non, Nénette se laissait regarder, comme tous les jours, et elle posait son regard lourd, vaguement indifférent, légèrement sceptique sur les visiteurs du Jardin des Plantes qui s'exprimaient devant elle. Un acteur français du nom de Jacques Weber, pour jouer le vieux Crap dans la dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène par Peter Stein, allait rendre visite à Nénette, simplement pour l'observer et ramasser dans sa mémoire des attitudes capables d'exprimer les abysses de la solitude et de la perdition et des ténèbres intimes. Nénette est inspirante. Nénette a 50 ans. Elle a eu des enfants, des garçons, 4, tous nés à Paris. Elle est veuve de Toto, s'est mise en ménage avec Solok, qui arrivait de Leipzig, la vie. Nénette a 50 ans et fait partie d'une sous-espèce en danger critique d'extinction. La mort. Nénette a 50 ans. Si vous passez au Jardin des Plantes aujourd'hui ou demain ou plus tard, souhaitez-lui un bon anniversaire. Surtout n'apportez ni fleurs, ni cadeaux, ni sucreries, ni chocolat. Juste un regard de compassion, d'affection, de fraternité, de solidarité. Nénette a 50 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, plus ou moins comme vous, plus ou moins comme moi. Elle est fragile, innocente et perdue. Quand même. Bon anniversaire, Nénette. Merci François Morel.